Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce 48e épisode de Geekorama. Mon nom est Dominique Jean et aujourd'hui, je vais vous faire écouter la musique de Top Gear sur Super Nintendo, un jeu publié par Kemco et développé par Gremlin Graphics. Le premier Top Gear sur Super Nintendo, moi j'ai joué pas mal au Super NES, puis j'ai pas joué au premier Top Gear. J'ai joué beaucoup au deuxième et à Top Gear 3000, mais... Le premier, j'y ai pas joué, puis je vais vous avouer que j'ai regardé beaucoup de gameplay tantôt, puis honnêtement, ça va... Je sais pas si je le jouerai aujourd'hui, parce que moi, c'est que j'aimais beaucoup du deuxième et du troisième, c'est que t'avais de la customisation, pas mal de véhicules, tu sais, tu pouvais acheter des... Tu peux augmenter l'armure de ton véhicule, tu pouvais avoir des meilleurs turbos, meilleurs pneus, meilleurs moteurs. Fait que ça, c'était cool, mais dans le premier, t'as un choix, je pense, de 4 ou 5 véhicules. T'as quelques types de véhicules, après ça, tu fais les courses une après l'autre, puis that's it, là. Fait que t'as rien de... T'as pas de customisation possible, là. Fait que c'est ça qui est... Faudrait que je l'essaye, là. C'est sûrement pas un mauvais jeu, mais la customisation du véhicule, quant à moi, c'est important. Puis aujourd'hui, ça va être un épisode assez court, je vous dirais. Honnêtement, j'hésitais à en faire vraiment... un jeu à la fois, tu sais, un Top Gear par épisode, ou ben les trois. Mais je trouvais que ça faisait pas mal de job de montage. Fait que, tu sais, puis Super Meat Boy était quand même long, l'autre épisode avant. Fait que je me suis dit, je vais faire à la place des épisodes un peu plus petits, mais je vais focusser sur un jeu à la fois. Fait que on va y aller tout de suite pour le bloc 1. On y va avec Title, Las Vegas. Puis ça, Las Vegas, c'est probablement la toune, la plus populaire. Puis c'est probablement une des meilleures tounes du Super Nintendo parce que. Et également les Top Gear, là, parce que c'est débile à quel point elle est vraiment connue, cette tune-là, dans le monde du jeu vidéo. Et on a Hiroshima. Bonne écoute. We'll be right back. On est rendu au bloc 2, les amis, et au bloc 2, on a Bordeaux, Frankfurt et Qualified. Bonne écoute. We'll be right back. Et c'est ce qui met fin au 48e épisode de Geekorama sur Top Gear au Super NES. Comme j'avais dit au début, c'est vraiment pas un épisode qui est très long. J'aimerais mieux focusser sur un jeu à la fois que vraiment faire les 3 Top Gear. Je vais peut-être faire les autres jeux dans... Je m'excuse. Je vais peut-être faire les deux autres Top Gear dans... pour des épisodes futurs, là, mais je pense pas que ça va être le prochain. Mais quoi qu'il en soit... La soundtrack de Top Gear, elle est pas, je dirais, à tout casser. C'est une bonne, elle a une bonne soundtrack overall, mais je dirais que c'est vraiment Las Vegas qui vient voler le show, parce que cette tune-là est tellement iconique au Super NES, là, elle est juste débile, c'est vraiment hot. Étrangement, je sais pas d'où ça vient, il y a eu beaucoup de mentions sur la tune Las Vegas, elle est également appelée Mad Racer. Ça, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi la tune est appelée comme ça aussi, mais je crois que le nom officiel c'est Las Vegas, parce que quand tu joues au jeu, je pense pas que ça c'est pas marqué Mad Racer. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est malgré que ça sonne bien, Mad Racer, c'est cool aussi. Quoi qu'il en soit, on a eu beaucoup de suggestions pour le podcast depuis sa création. Et entre autres, Okami sur la Wii, et également sur maintenant plusieurs autres plateformes. Et Okami sur la Wii, c'est un épisode que je vais faire très bientôt. Je peux pas prédire, vous promettre lequel épisode, mais j'ai commencé à jouer. C'est un de mes nombreux jeux de backlog que j'essaie de rattraper tranquillement, pas vite. Et à date, so far so good, j'ai joué 1h30, 2h, j'aime bien ça. J'ai hâte d'explorer le jeu davantage en profondeur et de découvrir la soundtrack. J'aime vraiment ça, c'est vraiment cool. Ça s'en vient. Et après ça, je suis également, si vous voulez me suivre sur Twitter, Dominique @Jean. Après ça, également, Gikorama sur Twitter et Facebook. Et également sur Instagram aussi, de temps en temps, je poste des petites photos là, vraiment sweet. Et sur Steam, si vous voulez me suivre là-dessus également, c'est Painkiller, Pain comme Max Payne en un mot, Painkiller. Et sur PSN, Moby the Whale en un mot. C'est ma photo, je pense, une photo de Krauser, mais c'est ma face. En tout cas, bref, ça fait un bout que je peux aller sur le PSN, je vous dirais. Si Sony pourrait changer le Christie, de mettre un update pour changer le nickname, ça ferait bien parce que Moby the Whale, c'est vraiment, mais vraiment pas sa date, ça fait plusieurs années. Commande Sony, là, c'est le temps. Ils font des updates de fou, mais ça, non. Pour le moment, ça serait Painkiller aussi, comme sur Steam, mais en tout cas, bref, pour l'instant, ben, faut dealer avec ça. Hein? Fait que, on n'a pas mal le choix. Fait que c'est ça. Fait que merci tout le monde de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Bonjour. J'avais complètement oublié ça. D'habitude, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre d'inclure des remixes dans mes épisodes, mais pour Las Vegas et pour mon amour pour le Synthwave, le New Retro Wave, bref, appelez-le comme vous voulez, je vais inclure un remix de Las Vegas parce que c'est fucking awesome. Fait que, ciao bye tout le monde!